Maman, l'usine avec un Z. J'parle pas pour rien comme Beretta. Si je sors des limbes, veuillez lever les bras, même si j'en allume 20, vous me verrez pas. On dirait que je fais cette merde depuis la nuit des temps. Décidément, j'ai failli mettre les gants, suivre l'exemple des grands, évidemment. Maintenant, je dépends de mes mots, les miens dépendent de moi. Des fois, je dérange les choses, écrase les causes pour aller prendre leur roi. Je suis présent comme le malheur à chaque saison, faut que je roule un perse. Mon cœur a ses raisons, ma tête, c'est tout l'inverse. Plus rien à dire, pas le temps pour faire, je déchire la feuille. Prends mes souvenirs, je déserre ma somme. J'entoure les fautes, t'as cru à tort que c'était gratuit. Mais tout se paye un jour ou l'autre, avec la mort à l'appui. J'écris des livres, ivres qui me délivrent, m'éloignent de leurs inepties. Santé, le pavé nous fait baver comme des crises d'épilepsie. Je dessine des vies et des filles, des lois prédites par des pitres. J'ai le cœur qui se déchire sur des feuilles remplies par des litres. Faut que je fasse quelque chose de sérieux de ma vie. J'ai rien à raconter à part des histoires de bigrave et grave. 10 caves au fond des yeux de ma rime. Je veux pas craquer, je veux pas croquer la pomme. J'ouvre la main, j'ai la paume au fond du creux de l'abîme. Je protège mes semblables. Quitte à les blesser, tu peux prendre la protection que tu veux. Qui t'a dit que t'allais baiser? Une pierre glacée bas sous ma poitrine. Enfant de 10 ans, grandissant dans le ciment. Entends autant de détente retentissante. Vois le crime, le drame. Danse avec tes pointes, mais pas de ballerine. La vengeance est une musique classique fragile. Viser la cime nous anime, nous détache de nos convictions. Le bonheur arrive toujours avec toutes sortes de conditions. J'ai ma patrie sur l'épaule gauche. J'ai mon fusil sur l'épaule droite. Serre pas la main si t'as les mains moites. Ainsi soit-il, on finira dans une boîte. Je roule de ville en ville et je vois mes démons qui me flattent. T'as pas gagné la guerre, y'a qu'un ennemi à terre. Poto, je suis fait de terre, j'ai trop pas gaffe de guerre. J'ai escroqué, pas baisé la notaire. J'écris une phase, après j'allume un terre. Qui peut classer l'enfer, faut pas le dire, faut le faire. J'ai raté le coup, j'ai pas manqué de flair. Destiné à briller comme une étoile filante. Si demain j'ai vrillé, la mort sera violente. C'est à contresens que je descends la pente. Faut pas que je me plante, la putain de sa tente. J'ai choisi le mic. J'ai choisi le mic et ce beat me va bien. Plus j'avance et plus l'obscurité s'efface. Inch'Allah, tous on sortira bien. Les temps sont durs, cette société compte ses places. Et pour y faire face, il faut de l'intelligence et du plat. Plus j'avance et plus l'obscurité s'efface. Inch'Allah, tous on sortira bien.